En Corée, le séminaire sur l'entretien des ressources d'eau et des déchets en faveur de l'environnement au district du Mongbaek-do s'est déroulé du 31 juillet au 2 août à l'arrondissement de Samjiyon, province du Yangon. Y ont pris part les cadres du ministère de la Protection du Territoire National et de l'Environnement, du ministère de l'Urbanisme, de la Direction Générale Nationale du Tourisme et d'autres intéressés, les enseignants et chercheurs des établissements des sciences et de l'enseignement. Y ont été également présents la femme professeure de l'Université de British Columbia du Canada, Park Kyung-hae, directrice du plan d'échange et de coopération intellectuelle Canada-Corée et autres écologistes étrangers. Les orateurs ont expliqué l'importance de la protection de l'environnement et souligné que le présent séminaire servira d'occasion importante pour échanger les larges connaissances et expériences dans l'entretien des ressources d'eau et des déchets en faveur de l'environnement au secteur du Mongbaek-do. On y a publié les thèses telles que « Influence de l'environnement d'eau par l'exploitation du district de Samjiyon et mesures contre la pollution d'eau » et « Méthode d'épuration d'eau avec les plantes aquatiques ». Les participants au séminaire ont livré l'exploration au district du Mongbaek-do pour la protection de l'environnement et échangé les opinions utiles.